Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13e épisode d'ActuVu. Aujourd'hui au programme, nous avons Jean-Com Higuer qui nous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des Comptes. Lina vous fera le point sur les 3300 emplois qui s'ouvrent chez Thales, l'entreprise de défense qui recrute sur tout le territoire dans l'aérospatial, la sécurité et le transport. Les répercussions du dossier Epstein continuent de s'étendre à la France. Zoltan reviendra sur la polémique autour de Jacques Lang et les révélations qui secouent le monde culturel français. Au JO d'hiver de Milan Cortina, les Bleus brillent sur les pistes. On fera le point sur les médailles déjà remportées, dont les exploits en biathlon et en patinage artistique avec Zoltan. Et nous aurons le témoignage de Mathilde Deparois, élève en Master 2 à l'école de journalisme de Lille, qui présentera sa formation. Mais avant tout, prenez vos surligneurs, c'est l'heure du affluoté avec Loubna. Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin. C'est un historien et résistant juif qui a notamment écrit le livre « L'étrange défaite » en 1940. Il avait été arrêté à Lyon par la Gestapo, puis emprisonné, torturé et exécuté. La famille de Marc Bloch a demandé dans une lettre au président à ce que l'extrême droite soit exclue de participation à la cérémonie de panthéonisation. L'animateur Jean-Marc Morandini a proposé à la direction de CNews de se retirer de l'antenne. Son maintien sur la chaîne avait suscité une vive polémique après qu'il ait été condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel en janvier dernier. Plusieurs de ses collègues avaient d'ailleurs désapprouvé son maintien à l'antenne, comme Sonia Mabrouk qui avait démissionné. Le suicide d'Evaël revient dans l'actualité. C'était une collégienne de 11 ans qui a mis fin à ses jours en 2019 dans le Val d'Oise. Le procès en appel de la professeure qui aurait poussé la jeune fille au suicide s'est ouvert. Le parquet requiert 18 mois de prison avec sursis pour l'enseignante de 63 ans. Au Japon, le Parti libéral démocrate, ou PLD, de la première ministre japonaise Sanae Takaichi, a remporté la majorité aux élections législatives en obtenant les deux tiers des sièges à lui seul. C'est le meilleur score de l'histoire de ce parti conservateur. De l'autre côté du globe, au Portugal, c'est le socialiste António José Seguro qui a remporté l'élection présidentielle avec 66,8% des voix. Il faisait face à André Ventura, leader du parti d'extrême droite Chega. L'astronaute Sophie Adnaud devient la deuxième française de l'histoire à aller dans l'espace. Pour rappel, la première était Claudie Aigneret. Elle a pris son envol pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Elle y restera 8 mois pour y mener diverses expériences scientifiques dans le cadre de la mission Epsilon. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ! Mais qui elle est, celle-là ? Quelle indignité. Cette semaine, l'actualité est aussi marquée en France par une annonce du gouvernement. Amélie de Montchalin arrive à la tête de la Cour des Comptes. Jean-Com Higuer. C'est d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. D'abord ministre des Comptes publics sous les gouvernements Bayrou et Lecornu, elle est nommée à 40 ans au rôle de première présidente de la Cour des Comptes. Une nomination par Emmanuel Macron faite lundi, puis entérinée par le Conseil des ministres de mercredi, afin de succéder à Pierre Moscovici, qui rejoint la Cour des Comptes européenne. À la tête de cette institution clé pour l'ordre administratif, Amélie de Montchalin sera donc chargée de vérifier la régularité des comptes publics et d'alerter les gouvernements sur le déficit, une mission irrévocable avec juste une limite d'âge de 68 ans. Dans le paysage politique français, l'annonce fait réagir, les oppositions de droite et de gauche alertent sur un possible conflit d'intérêts, car Amélie de Montchalin évaluera le budget 2026 qu'elle a elle-même élaboré, ce qui fragiliserait l'indépendance de la Cour des comptes. L'actualité en France, c'est aussi l'édition de la troisième programmation pluriannuelle sur l'énergie, le PPE3. Publié avec 3 ans de retard, ce document établit l'objectif énergétique français de 2025 à 2035. Le gouvernement y annonce vouloir rééquilibrer le mix énergétique, notamment par la réduction de la part des énergies fossiles, contrebalancée par la relance du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Enfin, selon l'INSEE, en 2025, le chômage est reparti à la hausse. 7,9% des Français sont sans emploi, un record depuis 2021, et une situation d'autant plus compliquée pour les 15-24 ans, Leur taux de chômage est passé de 18,7% en 2024 à 21,5% en 2025. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Cuba est bientôt à sec. Pas d'eau, mais de pétrole. Plus aucune goutte en provenance du Venezuela, le premier fournisseur de l'île depuis l'intervention des États-Unis en janvier dernier. Cuba cherche donc à s'approvisionner via d'autres alliés, comme la Chine ou la Russie par exemple, mais aussi le Mexique, qui est beaucoup plus frileux quant aux potentielles sanctions américaines. La Havane accuse Trump de vouloir asphyxier son économie, déjà en grave crise. La sentence est tombée. La militante iranienne Narges Mohammadi est condamnée à 6 ans de prison supplémentaire. La lauréate du prix Nobel de la paix 2023 avait été arrêtée en décembre dernier. Elle avait déjà croupi plusieurs fois derrière les barreaux pour le même motif, son militantisme contre l'oppression du régime en Iran, des retrouvailles qui s'éloignent encore pour ses proches exilés en France depuis 2015. Ce ne sont pas 6, mais 20 ans de détention qui attendent Jimmy Lai à Hong Kong. Le militant pro-démocratie et ex-mania de la presse est condamné pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse. Depuis 2020, la loi de sécurité nationale imposée par Pékin restreint chaque jour les libertés individuelles. Reporters sans frontières dénonce une condamnation à mort pour l'homme de 78 ans qui risque de finir sa vie en prison. This is Elon Musk. Et on ouvre cette page économique avec une annonce qui concerne l'emploi et l'industrie de défense en France. 3300 emplois s'ouvrent chez Thales, l'entreprise de défense spécialisée dans l'aérospatiale, la sécurité et le transport terrestre, engage sur tout le territoire. En début de semaine, l'entreprise lançait une grande campagne de recrutement. Soudeurs, techniciens, chaudronniers, ingénieurs et j'en passe, le géant français engage. Si une bonne moitié des postes s'ouvrent en Île-de-France, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont aussi concernés. Mais si au premier regard des recrutements en masse, du CAP au master, c'est positif, il faut comprendre que Thales, c'est de l'équipement de défense. Et qu'en 2 ans, les commandes de l'entreprise ont triplé. Faute au contexte géopolitique, guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, conflit à Gaza, la France produit et fournit sur tous les fronts. Le ministère de l'Intérieur publiait jeudi le rapport 2025 des actes anti-religieux. Les actes islamophobes sont en augmentation et l'antisémitisme concerne de nouveau plus de la moitié des plaintes reçues. Les chiffres le disent, les actes anti-religieux restent stables cette année, avec 2489 cas recensés. Le ministère remarque effectivement une légère baisse de l'antisémitisme en France en 2025, alors que les faits de violence sur des rabbins et des pratiquants avaient augmenté juste après le 7 octobre. Mais les juifs restent la cible de 67% des actes antireligieux de l'année passée. Autre chiffre, les actes islamophobes ont augmenté de 88% en un an. Si le rapport prend en compte toutes les plaintes déposées, les chiffres sont sous-dimensionnés pour Najat Ben Ali, présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris. Pour elle, l'immense majorité des victimes ne portent pas plainte. Après l'affaire Jaminet, le stade toulousain est de nouveau mis à mal, cette fois-ci pour un souci avec des contrats d'image et de conseil. Le joueur star de l'équipe de rugby Antoine Dupont est concerné, ainsi que Anthony Jelonc. C'est le journal L'Équipe qui sort une enquête conséquente que je vous invite à lire après cette brève. Mais dans les grandes lignes, pour les moins fans de rugby, le Stade Toulousain, c'est une production de joueurs connus à l'international qui jouent en équipe de France. On connaît notamment Antoine Dupont impliqué dans cette enquête. Lui comme Anthony Jelonc ont signé depuis quelques années des contrats avec la société Alizia. Partenaire de longue date du stade, l'entreprise a signé des contrats avec Dupont et Jelonc qui leur permet d'exploiter l'image des deux joueurs. Des contrats qui ont rapporté 170 000 euros à Jelonc pour 2 événements et 200 000 euros par saison pour Dupont. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoupe the ball. Nouvelle polémique dans le monde culturel français, les révélations issues du dossier Epstein continuent de faire réagir. Après la publication du dossier, Jack Lang est dans la tourmente. L'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand a démissionné de l'Institut du Monde Arabe samedi dernier. Son nom apparaît à 685 reprises dans les dossiers Epstein récemment déclassifiés. Jack Lang et sa fille sont accusés de collusion avec le pédocriminel américain. Il dit n'avoir pas eu connaissance des agissements de Jeffrey Epstein. Nouvel épisode de tension dans la presse sportive française. Le directeur de la rédaction du journal L'Équipe quitte son poste. En place depuis février 2025, Matthias Gürtler a quitté ses fonctions lundi. En novembre dernier, la majorité des journalistes avait voté une motion de défiance à son encontre. La Société des journalistes du journal dénonce un projet de réorganisation qui vise à intensifier le passage du média vers le numérique et des dérives éditoriales, notamment une multiplication des brèves à clics faciles et un excès d'informations people. En Italie, les épreuves s'enchaînent aux JO d'hiver et les résultats suivent pour les Bleus. La France est 8e au tableau des médailles avec 8 médailles dont 3 en or. Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou-Jean Monod et Julia Simon ont brillé en biathlon dans l'épreuve de relais mixte. Ils ont décroché la première médaille d'or pour la France dimanche. Mercredi, nouvelle médaille d'or grâce à Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry en danse sur glace. C'est même une victoire inédite dans le patinage puisque pour Cizeron, il s'agit de son 2e titre olympique, 4 ans après les Jeux de Pékin. Et en ski de bosse, Perrine Laffont n'a pas dit son dernier mot. Elle revenait de loin après une blessure et des résultats décevants pendant les qualifications. Elle a remporté la médaille de bronze au bout du suspense derrière deux Américaines. Et puis, c'est un doublé pour Julia Simon et Lou-Jean Monod. Cette fois en individuel, elle remporte respectivement l'or et l'argent en biathlon. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Et si vous souhaitez approfondir les sujets d'actualité parfois complexes, rien de mieux qu'un peu de lecture. Tout de suite, les recommandations de la semaine avec Nina. Alors ma première recommandation, c'est le dernier Cache Investigation sur les violences dans le périscolaire. Et outre le sujet qui est assez pertinent et important dans l'actualité cette année, le documentaire montre aussi comment filmer lorsqu'on n'a pas les autorisations, donc en caméra cachée et avec quels subterfuges les journalistes peuvent avoir accès à des lieux et à des informations sensibles. J'avais aussi envie de vous parler du livre de Gabriella Papadakis, sorti en janvier. Le livre qui s'intitule « Pour ne pas disparaître » dénonce un système sexiste au sein du patinage artistique. Et avec l'étude du Journal of Sport and Social Issues qui établit que 59% de sportives sont victimes de violences psychologiques ou sexuelles au sein de leur club, cela peut aider à mettre en perspective l'incroyable trajectoire du duo Cizeron-Fournier-Baudry, certes, mais qui s'est aussi créé au sein d'un système de violence. Tu nous parles aussi d'un rapport ministériel, Nina. Et oui, pour ceux qui veulent approfondir le sujet des actes anti-religieux, il y a donc le rapport du ministère de l'Intérieur, public, qui permet d'avoir accès à l'entièreté des chiffres, et c'est aussi un très bon exercice qui peut vous servir dans votre carrière de journaliste. Cette 13e émission arrive à sa fin, mais comme chaque semaine, on vous présente une école. Cette fois-ci, c'est Mathilde Deparois, en Master 2 à l'École de journalisme de Lille, qui nous fait le plaisir de présenter sa formation. Alors, l'ESJ, je dirais déjà qu'en première année, je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre entre la pratique et la théorie avec les cours de déontologie ou à Sciences Po Lille. On fait aussi pas mal de terrain à Lille et aux alentours. Je trouve qu'il y a beaucoup de projets collectifs. Par exemple, en janvier, on a un magazine qui s'appelle L'Attitude et qui soude vraiment bien la promo, je trouve. Et juste avant ça, on a une enquête qu'on fait en binôme. Je trouve aussi que l'école a quand même un super réseau. Et je trouve qu'on est plutôt bien préparé pour la suite. Je dis ça parce que si je suis en M2 radio, et que je trouve aussi qu'on a vraiment des super intervenants. Après, dans les points un peu pour aussi un peu critiquer l'école, il y a parfois des cours en M1 que je n'avais pas trouvé forcément très pertinents. Parfois, le matériel pour tourner, je pense surtout au kit web. Parfois, il y a des téléphones qui sont un peu vieux, donc ce n'est pas forcément très pratique. Et ensuite, on va dire que l'année dernière, on a eu des difficultés avec l'administration. Et c'est pour ça qu'on a créé un syndicat pour faire porter plusieurs voix. Et après, on va dire que c'est au cas par cas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en radio... pour le coup, on n'a pas à se plaindre en M2 et que, en général, je suis très heureuse de mes 2 années à l'ESJ. Merci à Mathilde Deparois pour ses éclairages sur l'ESJ. C'est la fin de cette 13e émission. Merci à Jean Com, Maël, Lina, Zoltan et Nina pour les chroniques, ainsi qu'à Corentin à la régie. Bon courage à toutes et à tous pour nos auditeurs qui sont en pleine période de concours. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode.